Bon, ben l'impression, l'éducation, elle sert à deux parties. Elle sert autant aux enfants qu'aux éducateurs. Parce qu'autant l'enfant peut éduquer ou impressionner l'éducateur peut impressionner les enfants. Disons que l'impression en éducation ne devrait servir que pour arriver à garder en vie une personne à éduquer. Si vous avez une personne, un enfant, qui veut jouer avec le feu et qui n'est pas en âge de comprendre le danger du feu, alors là, on doit donc l'impressionner. Alors, la première forme d'impression, ça peut être sur les fesses. On laisse des marques. Et, ben, bref, c'est la loi de l'impression. Ça peut être dans sa psychologie. Disons que c'est beaucoup moins dommageable d'impressionner un enfant sur le corps que dans sa psychologie. Quoique, évidemment, l'impressionnant sur le corps, on impressionne sa psychologie, mais c'est moins dommageable que de crier après ou de faire des menaces, ou etc. Mais à l'exception du fait, à l'exception de cet état d'éducation où une personne à éduquer, un enfant par exemple, n'est pas apte à comprendre, mais que sa vie est en danger s'il ne comprend pas, là on doit impressionner, toutes les autres disons, étapes de l'éducation devraient toujours se faire sans impression. L'être humain doit être éduqué de façon à ce qu'il puisse arriver à apprendre, qu'il peut apprendre et à apprendre comment apprendre. Donc, il doit arriver à savoir qu'il peut comprendre. Et comprendre, c'est une forme d'éducation qui est en rapport, en relation intime avec les intelligences, disons, qui permettent l'évolution de la planète. Croire, ce n'est pas comprendre, et avoir peur, c'est encore moins comprendre. Alors, si je ne fais pas une chose parce que j'ai peur des réprimandes, d'une contravention, de ce que les autres vont en dire, ce n'est pas d'éducation, mais c'est de l'impression et c'est de la manipulation par l'impression, cela va de soi. Si on veut éduquer, on doit donc amener la personne à éduquer à comprendre et on doit lui faire comprendre des choses qui sont en rapport avec son âge. Et on peut lui donner des expériences, elle peut se briser une jambe pour arriver à comprendre, mais c'est pas grave. Ça repousse pas, mais ça se répare. Par contre, si on impressionne sa psychologie d'une façon telle qu'elle en est traumatisée ou que cela va déformer toute l'expression qu'elle pourrait avoir à l'état adulte, je ne crois pas qu'on a réussi l'éducation. Elle mange avec une fourchette, elle mange avec une cuillère, mais elle ne sait pas pourquoi. Tout ce qu'elle sait, c'est que c'est comme ça qu'on le fait. Parce qu'à un moment donné, ben, on lui a dit que si elle faisait pas comme ça devait se faire, ben, elle serait punie, elle n'aurait pas de dessert, elle n'aurait pas de, etc. Bref, la manière où on éduque les enfants, toujours en rapport avec ce que la visite peut penser des éducateurs si l'enfant fait telle chose. Ça, c'est une éducation qui, c'est plus un élevage. Et on a été élevé comme ça, on élève souvent comme ça, mais l'impression ne doit pas servir en éducation. Les enfants veulent manipuler leurs parents. Les enfants aussi vont impressionner. J'ai un neveu, presque un neveu du moins, qui a 5 ou 6 ans et qui a une mère et une sœur qui sont extrêmement jouponneuses. Il peut pas éternuer sans qu'on se garoche pour le secourir. Et puis, à un moment donné, il est assis à la cuisine et il se met à crier, puis il crie, puis il arrête de crier. Là, il écoute. Là, il entend boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, sa sœur s'en venait en courant, sa mère n'était pas là. Arrive dans la cuisine, tout essoufflé, l'autre, il la regarde. Hein, c'est un bon cri, hein? Bon, sa sœur a failli le tuer. Alors, lui a impressionné, il a imprimé quelque chose parce qu'il savait. Et les enfants peuvent aussi bien manipuler les parents que les parents les enfants. Et les enfants apprennent à manipuler parce qu'ils sont éduqués en étant manipulés. Mais les enfants sont des singes, ils imitent. Et les adultes sont des singes qui ont imité. Alors, ce qui fait que l'éducation n'évolue pas. On ne doit pas impressionner jamais. Si vous rencontrez vous découvrez une technique extraordinaire qui peut amener l'être humain à évoluer. On va être en affinité avec la technique parce qu'elle nous impressionne. Mais l'art de l'évolution n'a pas été fait pour impressionner l'être humain. Il est fait pour l'éduquer. Et l'éducation des êtres humains par rapport aux enfants humains, aux petits hommes, ben doit être faite de façon à les éduquer, c'est-à-dire à leur donner des outils. Et non pas à les forcer à devenir des outils. Et lorsque l'on manipule, lorsqu'on essaie de graver, on veut transformer une chose, un réceptacle, en un espèce d'outil qui va être capable de nous servir. D'ailleurs, la société éduque sa population de façon à ce que la population serve la société. Dans une société, il y a des pour et des contre à cette façon de voir. Mais dans l'éducation, on ne doit pas éduquer un enfant pour que l'enfant fasse ses commissions. S'il comprend l'utilité du partage des tâches, il fera les commissions avec un grand sourire aux lèvres. Mais de temps en temps, les parents devront faire les commissions, qu'ils partagent les tâches. Mais si on veut bâtir des outils pour alléger le fardeau de la famille, évidemment, on impressionne, on marque, on crie, on chicane, on punit, on fesse. Alors, on impressionne dans la matière physique comme dans la psychologie. Et à un moment donné, ben, les enfants vont aussi vouloir impressionner leurs parents, les manipuler, soit en arrivant avec les cheveux dressés jusqu'au plafond pour voir ce que les parents vont penser, soit en arrivant dans différents états. Mais c'est simplement une guerre d'impression. Alors, dans l'éducation, ben évidemment, de quelle façon l'impression sert-elle en éducation? Elle ne sert pas. Elle se sert elle-même. Mais elle nuit, l'éducation. On n'a pas des individus qui sont conscients et qui comprennent pourquoi agir lorsqu'on impressionne. On a des individus qui agissent de peur que. C'est extrêmement différent. Quel est le processus psychologique qui fait que l'on refuse de se souvenir, c'est-à-dire que l'on manque de mémoire? La libération consisterait-elle à boire la boisson de l'oubli? Bon, le refus de se souvenir n'empêche pas l'homme de se souvenir. Et le refus de se souvenir n'empêche pas l'homme d'être manipulé par ce souvenir. Le refus de se souvenir, c'est simplement le refus qu'a la conscience de l'homme, que l'ego va essayer d'opposer à la renaissance d'une forme mémorielle, d'un souvenir, parce que ce souvenir n'est pas pur. Je refuse de me souvenir de quelque chose parce que autour de ce souvenir, il y a souffrance. Et je refuse de me souvenir pour ne pas reconnaître une autre fois la souffrance qui est collée au souvenir, ou la peur qui est souffrance. Alors, la conscience fouille dans les souvenirs et du moment qu'elle rencontre la forme de ce souvenir, elle reconnaît aussi la forme de peur ou de souffrance qui est collée à ce souvenir. L'ego a peur de souvenir et l'ego a peur d'avoir peur. L'ego, c'est vous autres, c'est l'homme. Donc, l'ego va vouloir bâtir une espèce de programmation, de cheminement qui va lui permettre de ne pas se souvenir de formes mémorielles qui sont entourées de peur ou de souffrance. La peur et la souffrance peut être déterminée, peut s'exprimer, peut être perçue de différentes façons. Perdre la face, c'est une souffrance. Alors, je ne veux pas me souvenir de ce que je t'ai déjà dit et je vais me souvenir de ce que j'aurais voulu te dire à la place. Bon, ben c'est une peur, une souffrance. Alors, manquer de mémoire, ce n'est pas refuser de se souvenir. Si je prends l'expression qui est employée souvent par des personnes qui se conscientisent et qui d'un coup n'ont plus de mémoire. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je veux me souvenir, mais je ne me souviens pas. La perte de la mémoire, elle est due dans la conscientisation à deux phénomènes. Premièrement, il y a un haussement de taux vibratoire dans l'astral. L'astral est la substance matérielle qui enregistre la mémoire. Alors donc, il y a une augmentation de la vibration dans l'astral, ce qui va amener comme résultat une destruction ou une transformation des mémoires qui y sont gravées, dépendant évidemment de quelle partie de l'astral ou de quel niveau vibratoire de l'astral qui va être augmenté. Et le deuxième phénomène, c'est qu'il y a mutation neurologique chez l'individu qui se conscientise. Donc, les cheminements normaux interneurones qui amènent la conscience de l'homme à fouiller dans les mémoires est détruite pour être reprogrammée, c'est-à-dire que les neurones, le cheminement nerveux, neurologique, va emprunter un autre chemin que le chemin conventionnel, un chemin plus rapide, un chemin qui va emprunter moins de neurones pour rendre l'être humain plus efficace. Et entre le temps où il y a destruction du chemin conventionnel et établissement du nouveau chemin neurologique, il y a perte de mémoire temporelle. La personne va retrouver sa mémoire après un laps de temps. D'ailleurs, n'importe quelle personne qui a un blanc de mémoire et qui cherche, qui ne trouve pas, c'est simplement qu'il y a une, deux, trois ou quelques neurones qui normalement servaient à acheminer la conscience vers cette mémoire qui sont morts. et le cerveau est en train de refaire un nouveau chemin, et pendant ce laps de temps, la personne, elle est là, puis elle cherche, ça ne vient pas. Et là, c'est le bout de la langue, elle pourrait le cracher puis le lire, mais ça, bon. Alors, à un moment donné, ça va revenir et elle va pouvoir l'exprimer. Donc, il y a deux phénomènes de perte de mémoire. Mais refuser de se souvenir, c'est une personne qui va se souvenir d'une illusion. Les souvenirs sont illusoires, mais mon fils est mort, mais mon fils est toujours vivant pour moi. Donc, je refuse de me souvenir. Tu m'as fait quelque chose de mal, ou je t'ai fait quelque chose de mal, et je refuse de d'y revenir. Une mauvaise expérience, une opération que j'ai eue, et je refuse d'y revenir. Je veux même pas qu'on en parle. Ça, c'est le refus de se souvenir parce qu'il y a le mot souffrance attaché après le souvenir. La libération consisterait-elle à boire la boisson de l'oubli? Non. Si vous oubliez tout, vous n'avez plus d'expérience. Et si vous n'avez plus d'expérience, vous êtes comme le nouveau-né. Et observez un nouveau-né, il n'est pas un être divin. Il n'est pas un grand initié. Mais il n'a plus de mémoire. Il n'a plus d'expérience. Ou du moins, il en a une très petite partie. Alors, le fait, disons, de boire une boisson de l'oubli, c'est simplement de se présenter chez une police secrète et demander à ce qu'on nous lave le cerveau. Vous ne serez plus vous, mais vous allez être un autre réceptacle prêt à être éduqué, comme l'enfant. Non. Si vous n'avez plus d'expérience, ou vous êtes un légume, ou vous êtes en relation, en connexion avec une énergie qui est l'énergie supramentale, qui a en elle l'intelligence active, c'est-à-dire le savoir instantané. Autrement dit, un événement se présente et vous avez automatiquement, instantanément, la connaissance nécessaire pour pouvoir répondre à l'événement. Mais vous n'aurez aucune autre connaissance jamais. Parce qu'il n'y a pas de mémoire en vous, donc vous êtes libre de la manipulation, mais vous êtes libre. Mais vous êtes efficace parce que vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, avec le savoir instantané. Alors, le feu prend, vous savez quoi faire. Une fois que vous êtes sorti, vous n'avez jamais su que le feu avait pris. Pourquoi? Parce que c'est inutile de savoir que le feu a pris, que j'ai failli mourir. La vie continue. Alors moi, faire une rétrospection de que j'ai dû failli mourir et patati patata, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. L'homme qui n'est pas en relation avec l'énergie du supramental est nécessairement en relation avec sa mémoire et il n'a pas le choix. Ce n'est pas la mémoire de l'homme, l'ego de l'homme, la psychologie de l'homme qui va décider un jour qu'elle-même n'existera plus, même si elle existe encore. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes ici, présent, ce soir, parce que vous l'avez en mémoire. Vous l'avez en mémoire au millième de seconde près après que l'événement se soit passé, mais vous l'avez en mémoire. Ce qui fait que si je vous demande où êtes-vous, vous allez être capable de « ben je suis ici », parce que vous l'avez perçu dans votre mémoire. Si dans l'instantanéité, vous oubliez toujours que vous êtes ici, vous ne pourrez pas répondre. Tu peux pas répondre. Tu ne te souviens jamais suffisamment longtemps de où tu es. L'homme est sa mémoire. Votre psychologie, votre personnalité qui s'exprime est votre mémoire. Vous allez vous asseoir d'une certaine manière parce que vous avez habitué vos muscles, votre colonne vertébrale, vos nerfs, vos tendons, votre psychologie à découvrir un confort. C'est mémoriel. C'est une habitude. C'est mémoriel. Vous avez peur de différentes choses, vous êtes pour tel parti politique, vous êtes pour tel genre d'emploi, pour telle sécurité sociale, c'est de la mémoire. Vous avez appris ces choses-là et vous les exprimez. Alors vous, si vous n'avez plus de mémoire, vous n'existez plus. Et vous ne pouvez pas être là en même temps que vous n'existez plus. Et évidemment, la mémoire est là comme faculté qu'elle n'oublie pas. La mémoire n'est pas une faculté qui oublie. Ça, c'était simplement pour incruster, pour impressionner les personnes. Quand on a déterminé, quand on a dit, quand M. Spock, d'ailleurs, c'est le premier qui l'a dit, a dit que la mémoire est une faculté qui oubliait. La mémoire désigne ce qui retient. Sinon, on aurait trouvé un autre nom pour désigner ce qui retient. C'est là votre foi. Alors, la mémoire, c'est vous. Et vous ne voulez pas mourir. Et vous ne pouvez pas vous libérer en éliminant la mémoire parce que vous ne saurez même plus que vous existez. Et c'est par votre mémoire que vous savez que vous êtes là, que vous vivez, que vous existez, que vous avez un passé. Sinon, vous n'êtes plus personne. Et l'être en évolution qui n'a plus de mémoire et qui n'est pas suffisamment énergisé pour être en relation avec l'énergie supramentale, l'énergie du savoir instantané, est un être qui n'existe plus. C'est un zombie. Alors donc, la libération ne consiste pas à oublier. La libération consiste simplement à essayer de faire en sorte que l'énergie de l'intellect, l'énergie du mental, l'intellect qui est le mental assujetti à la psychologie, que l'énergie du mental se serve de l'expérience. En cela, il y a du bon. Et d'arriver à faire en sorte que la psychologie ne se serve plus de l'expérience pour essayer de déterminer ce que devra être l'extérieur. Vous avez une crevaison et vous êtes en maudit parce que vous avez en vous la mémoire d'une roue qui est bien gonflée. La psychologie, voyant la crevaison, aurait préféré que ce qu'il y a dans sa tête devienne la réalité et que la roue soit gonflée. Si c'est l'énergie mentale qui se sert de l'expérience, il verra le pneu dégonflé et il dira immédiatement, je vais sortir ce qu'il faut, je vais monter l'auto, je vais changer la roue, je vais continuer. Mais il ne verra jamais aucun problème dans l'événement. Si la psychologie oublie, parfait. Mais que l'homme boive une boisson ou que l'homme perde complètement sa mémoire, cela est une aberration évolutive pour la masse. Cela serait un immense recul dans l'Antiquité. On n'a pas une mémoire, on n'a pas un phénomène astral, qui est la mémoire, nommée ésotériquement, un phénomène psychologique, simplement pour agrémenter notre vie. Il a une utilité qui est extraordinaire et le phénomène de la mémoire est suffisamment densifié aujourd'hui pour permettre à cette mémoire de se régir d'une façon efficace, autrement dit, pour pouvoir se renaître en énergie mentale, pour pouvoir se manipuler de façon à être efficace dans l'expression, dans l'événement. Vous changez une roue de secours d'une façon parfaite, sans risque, sans aucun danger dans un temps record, vous êtes efficace, votre expérience vous sert. Mais vous braillez sur votre roue qui est crevée, vous rouspétez, vous tapez dessus, votre expérience vous nuit. Parce que vous savez qu'une roue peut être gonflée. Et vous savez qu'un auto peut ne pas avoir de crevaison. Et parce que vous savez cela, vous souffrez. Et là, l'expérience est nuisible parce que c'est la psychologie qui s'en empare. Si c'est l'énergie mentale qui s'en empare, il n'y a plus de souffrance, il n'y a presque plus de manipulation. Il y a manipulation en ce sens que l'énergie mentale ne peut travailler qu'à partir de ce qu'elle a comme expérience. Donc, l'homme doit quand même rechercher l'expérience en ce sens qu'il reste manipulé. Mais il ne peut plus souffrir, du moins pas comme l'homme le souffre ou comme l'homme l'entend présentement. L'homme ne peut plus avoir peur, l'homme ne peut plus craindre, l'homme ne peut plus espérer. Mais l'homme est efficace en maudit. Et toutes les personnes, tous les grands maîtres, toutes les idéologies de grands maîtres que vous voyez sont des êtres qui, justement, sont mentales et ne souffrent plus dans leur psychologie. Et vous avez peur de devenir des êtres humains qui ne souffrent plus psychologiquement et en même temps, c'est ce que vous recherchez. Et d'ailleurs, c'est l'apanage de la dualité psychologique. Alors, ne perdre la mémoire, ce n'est pas une étape vers l'évolution. Que la psychologie fasse place à l'énergie mentale, là oui, c'est une étape vers l'évolution. Et l'énergie mentale qui peut s'exprimer de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment, est une énergie mentale qui va pouvoir s'énergiser, se dynamiser, et plus elle aura un taux vibratoire élevé, plus elle sera en relation avec l'énergie supramentale. Donc, à un moment donné, l'énergie mentale de l'homme ne sera plus, tributaire de la mémoire expérientielle de l'homme, mais elle sera reliée à la mémoire, de l'énergie supramentale. C'est-à-dire que le mental aura une connaissance instantanée, il n'aura plus besoin de vivre une expérience pour pouvoir être efficace dans un événement. À ce moment-là seulement, et pas parce que l'homme le veut, la mémoire va être dissoute chez l'être humain, c'est-à-dire que par différents processus, la mémoire, l'âme et toutes les mémoires de l'homme vont être digérées par l'ego et l'ego sera assujetti à l'énergie mentale. Et l'homme deviendra un être qui sera mental et qui aura des émotions, c'est-à-dire qu'il y aura une émotivité qui sera dynamisante pour le mental au lieu d'avoir une émotivité qui s'exprimera seulement pour elle-même et qui nuira à l'expression du mental. Vous serez capable d'être intelligent totalement et non plus d'être psychologique. Vous ne prendrez plus une décision par goût, mais vous prendrez une décision parce que c'est intelligent qu'elle soit prise. Vous ne déciderez pas de vous marier ou d'acheter par plaisir, par goût, ou pour combler une crainte ou une peur, ou pour assouvir un désir ou un espoir. Vous allez agir parce que ce sera intelligent d'agir de telle ou de telle façon. Vous serez donc intelligent. C'est, disons en d'autres mots, toute explication mentale, supramentale et astrale que je viens de donner. Alors, l'être humain perdra par, disons, digestion, toutes ses mémoires lorsqu'il aura accès à l'énergie de l'Esprit-Saint, dont on parle dans la Bible, où les apôtres avaient la connaissance de plusieurs langues, avaient la connaissance de presque tous les mécanismes qui régissaient l'évolution de l'homme, lorsqu'ils ont eu un contact avec l'énergie supramentale ou l'Esprit-Saint. Ces apôtres, disons, n'avaient plus besoin de mémoire expérientielle. Ils ne parlaient plus au nom du Nazaréen, ils pouvaient parler en leur nom, c'est-à-dire qu'ils laissaient l'énergie supramentale s'exprimer par eux-mêmes. Et ils étaient cette énergie. Ils n'avaient plus besoin d'expérience et ils ne vivaient plus d'espoir. Alors c'est pour cela que plusieurs apôtres ont pu mourir crucifiés, ont pu mourir martyrisés, même s'ils le savaient, ils n'en avaient pas peur, car ce n'était pas la psychologie qui savait, mais l'énergie mentale. Et l'énergie mentale n'a pas peur. Elle sait. Et si c'est intelligent qu'une chose soit faite, même s'il y a disparition du corps physique, cette chose sera faite. Si c'est intelligent qu'elle ne soit pas faite, elle ne sera pas faite. Mais ce n'est pas question de mémoire ou de psychologie. L'être humain, dans son évolution, finit par être en relation avec l'énergie supramentale et à cet instant, il n'a plus besoin de ses mémoires. Il ne se retourne pas sur lui-même et avec un marteau, il brise ses mémoires. Il y a un processus de dynamisation qui va permettre à l'énergie mentale d'augmenter son taux vibratoire et le mental sera servi par Satan. Le mental sera servi par une forme d'astral non polluante et non polluée. Il aura une émotivité intelligente. Vous savez que le diable et Satan ne sont nos ennemis que tant qu'ils ne sont pas réduits en esclaves. Et celui qui doit être le maître, ce n'est pas l'astral, ce n'est pas la psychologie, c'est le mental. Si c'est intelligent d'avoir un esclave, on a un esclave. Si ce n'est pas intelligent, on n'en a pas. Ce n'est pas question de goût ou de désir. Vous ne voulez pas évoluer par goût, par plaisir. Vous pensez vouloir évoluer par goût, par plaisir, mais vous voulez évoluer parce que vous n'avez pas le choix. Parce que vous vous posez des questions, parce que vous cherchez des réponses, parce que vous voulez combler des lacunes, mais pas par goût, par plaisir, parce que vous n'avez pas le choix. Et dans ce pas le choix, on peut prendre goût à évoluer. Mais vous ne cherchez pas à comprendre par goût, même si vous pouvez goûter la recherche. Il y a plusieurs questions qui viennent à la mémoire. Je ne sais pas, en 2-3 minutes, ça se fait-tu? Tu nous dises un peu le processus, comment une information est stockée dans la mémoire? C'est-tu trop complexe ou... Non, c'est pas trop complexe, pour te le dire. Non, je suis d'accord. C'est-tu utile? D'abord. Bon, je vais répondre. Et bon, la mémoire, elle est stockée. Disons qu'on va laisser faire le processus chimique de stockage de la mémoire, parce que là, disons qu'on s'étendrait. Sachez simplement que la mémoire, elle est de deux ordres. Il y a une mémoire qui est vibratoire, c'est-à-dire qui est stockée à l'intérieur de l'énergie vitale chez l'homme. Énergie vitale qui est en relation avec la vie. Énergie vitale qui est canalisable par acupuncture, entre autres. Énergie vitale qui est de trois types. Premièrement, un type tellurique ou yin. Un type solaire ou yang. Et un type médian de synthèse, une énergie vitale typiquement humaine. L'homme qui mange un fruit, le fruit, il le cueille. Le fruit est gavé d'énergie tellurique prise par les racines au sol et d'énergie solaire, yang, prise par le soleil. Il le cueille, il le place sur une table et le fruit ne pourrit pas. Le fruit continue à croître parce qu'il est gorgé d'énergie vitale et l'énergie vitale est la vie. L'homme qui le mange, mange de la vie. Cette énergie vitale enregistre de la mémoire parce que c'est elle qui garde la forme. Lorsque l'énergie vitale du fruit quitte le fruit pourrit, la forme disparaît. C'est un processus mémoriel. Elle garde la forme. La psychologie de l'homme, évidemment, interfère avec l'énergie vitale et lorsque la psychologie change, l'énergie vitale est transformée, ce qui amène dans le corps physique, dans l'expression physique, une transformation des lignes de la main, des caractères du visage, de l'expression, de l'écriture, etc. Juste pour vous montrer la relation de la psychologie, l'énergie vitale et le vital et le corps. Il y a une mémoire typiquement chimique. chimique, c'est-à-dire que si on est capable, à un moment donné, de faire, d'avoir, disons, une extraction de cette mémoire chimique, on serait capable de l'injecter chez notre individu et de lui donner la connaissance, disons, d'un médecin ou de quelque chose, d'une profession. Et cette mémoire chimique, elle est presque découverte présentement par la médecine, c'est-à-dire que les médecins, les savants, les chercheurs en ont une idée, ils croient maintenant que la mémoire peut être chimique, mais ils n'en sont pas sûrs. Ils vont la découvrir à un moment donné. La mémoire, elle est stockée dans le cervelet, entre autres chez l'être humain, et dans l'hippocampe. Disons que là, on va dans des détails un peu trop neurologiques. La mémoire, elle est stockée dans le sang, dans le liquide céphalo-rachidien. C'est une espèce de liquide, disons, quand on a une ponction lombaire, ce liquide qu'on va chercher, qui enveloppe le cerveau et la moelle épinière dans la colonne, et il est stocké chimiquement dans le bulbe rachidien et dans l'hippocampe, c'est-à-dire c'est une partie qui relie les deux hémisphères cérébrales. La mémoire, elle est de plusieurs formes, on l'a vu tout à l'heure, et lorsque l'individu reçoit par la lumière une vibration, cela est transmis en électricité jusqu'à une partie du cerveau où elle sera analysée et stockée dans des produits chimiques. C'est-à-dire qu'il y aura une réaction. Et sachez en partant que les produits chimiques dans l'homme ne sont pas des produits chimiques de formule chimique aussi simple que NaCl ou CaHCO3, comme l'acide acétique ou le chlorure de sodium, le sel de table. Il y a d'immenses, disons, atomes de carbone mélangés avec de l'oxygène, de l'hydrogène, ce qui fait qu'en fin de compte, on a simplement, comme codage mémoriel, à ôter un hydrogène, placer un oxygène pour avoir une information. Et si on a différentes molécules pour les remplacer par d'autres, on a une nouvelle information. Si on prend, par exemple, la mémoire génétique. La mémoire génétique, elle est formée dans le noyau de la cellule et elle est de deux ordres. On va parler du principal, qui est l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. C'est une espèce de grande chaîne qui est faite en tire-bouchon et qui ne contient que quatre molécules qui, comme telles, vont se soutenir sur un support. Alors, on a donc de la thymine, de la guanine, deux autres formes de molécules, disons, qu'on va passer, et seulement quatre sortes, disons qu'on aurait l'oxygène, l'hydrogène, l'azote et le carbone. Quatre seules sortes d'atomes qui vont déterminer une différenciation humaine aussi complexe que les 4 milliards 800 millions d'individus sur la Terre. C'est une mémoire qui est déterminée par quatre seules formes, disons, de molécules qui se tiennent sur un support de sucre, un ribose. Et selon que je mets telle molécule à une place et telle molécule à une place à travers un choix de quatre sur une grande chaîne, j'ai un être humain qui a les cheveux blonds, qui a les cheveux un peu moins foncés, qui a les yeux de telle couleur, qui a telle longueur d'intestin grêle, qui a telle grandeur de pied, qui va avoir tel genre de corde vocale, bref, ce que vous savez. Et c'est une mémoire qui est déterminée par quatre molécules. La mémoire chimique chez l'homme est déterminée par un peu plus de molécules que quatre. Et c'est déjà extraordinaire, disons, la variation génétique que l'on peut avoir dans l'expressivité, justement, des corps. Alors, la mémoire, elle est chimique, et tout ce qui arrive simplement, c'est que la vibration que j'entends est transformée en électricité, elle va jusqu'à mon cerveau, et elle va déterminer le codage de substances qui sont organiques chez l'homme. J'appelle produits chimiques, qui restent organiques. Donc, elle va déterminer la construction et la transformation de tel genre de molécules. À la longue, l'affinité qu'ont ces molécules l'une pour l'autre fait qu'elles vont s'intermêler, ce qui fait que le temps transforme et efface la mémoire. L'individu qui veut développer une mémoire extraordinaire, une mémoire efficace, doit apprendre comment effacer sa mémoire et comment mémoriser l'important. Ça, si vous allez dans des cours où vous allez vouloir apprendre à avoir une bonne mémoire efficace, ben c'est le premier apprentissage, c'est de savoir quoi oublier. C'est-à-dire que tu arrives effectivement à effacer. Et quand on fait un lavage du cerveau, on retransforme les molécules qui sont chimiques de ce schéma mémoriel, cette bande, disons, magnétique, mais qui est chimique, on l'efface. On la perturbe et l'individu fouille et ne trouve rien qui est, cohérent. Alors après, on va recoder ces substances chimiques et on va reformer. Maintenant, à l'intérieur du sang, il y a énormément de traces de cette substance chimique. Et dans le liquide céphalo-rachidien, il y a évidemment beaucoup de traces. Ce qui fait que la psychologie égoïque de l'homme, la mémoire consciente, se retrouve surtout dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien. Par le cœur, et le sang nourrit le cerveau, un peu du reste du corps. Le sang dans les muscles striés, les muscles rouges, les muscles, la viande rouge que vous mangez, elle est rouge parce qu'elle est gorgée de substances sanguines. Évidemment, lorsque l'on mange la viande rouge, on n'est plus assujettis à être transformé. Les végétariens vont dire que vous absorbez le karma de l'animal, la mémoire de l'animal. Dans le sang, il y a mémoire. Et si on prend de la viande rouge, de la viande gorgée de sang, évidemment, on absorbe le karma de l'animal, sa mémoire. Et si le traumatisé, lorsqu'il est tué, on finit par teinter notre mémoire de traumatisme, de meurtre, de mortalité. Alors, le sang transporte la mémoire. Le sang est donc devenu le symbole de l'amour, de la psychologie. C'est normal, le cœur est la fonte. Et le liquide céphalo-rachidien, dont l'équipe est beaucoup plus subtil que l'homme ne voit pas, dont l'homme, si vous saignez, disons, c'est pas une facture, disons, du bol de 30 pour ceux qui puissent voir de liquide céphalo-rachidien, c'est assez rare. Mais c'est un liquide qui nourrit le cerveau, qui baigne le cerveau, qui protège en même temps le cerveau contre les ondes de choc, mais le gros de mémoire est stocké au niveau du liquide céphalo-rachidien. Les endroits du cerveau qui vont interpréter les molécules. Dans une cellule, c'est divisé. L'ADN est divisé. C'est-à-dire qu'il y a une reproduction dans l'ADN. Et la cellule va se reproduire identiquement. C'est-à-dire qu'il y a des parcelles dans le noyau qui vont lire le codage génétique pour recréer une cellule identique. Dans l'homme, il y a des parties. Il y a l'hypothalamus, le thalamus entre autres, qui est le siège biologique de la conscience de l'astral, et ces parties-là vont pouvoir effectivement décoder la mémoire et résorber la mémoire. Sachant donc présentement que toutes les informations sensorielles, donc visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles, doivent obligatoirement passer par l'hypothalamus et le thalamus avant d'arriver au cortex cérébral. Et le cortex cérébral est un des sièges de la conscience mentale. Ce qui fait que toutes les informations que vous avez de l'extérieur, et ça biologiquement vous pouvez le vérifier, doivent passer par le thalamus, où il sera teinté par la mémoire de l'astral, avant d'arriver à la conscience mentale. Ce qui fait que l'homme est manipulé par sa mémoire, ce qui fait que l'homme a toujours son verre d'eau en avant, parce que tout ce qui est visuel doit passer par le thalamus, avant d'arriver à la conscience du cortex cérébral, l'un des sièges de la conscience mentale. Alors donc, la mémoire se grave dans une chaîne chimique, moléculaire, où la lecture est déterminée par différentes molécules. Les ordinateurs, dans le début, lorsque l'ordinateur prenait une dimension d'identité, on avait des cartes perforées. Et la carte était perforée, et on donnait ça à l'ordinateur, et l'ordinateur comprenait ce qu'on lui disait. C'était une carte, et selon l'agencement des trous, on avait des mémoires différentes. C'est le même processus, un milliard de fois plus compliqué, donc pour la mémoire de l'homme, mais c'est le même processus mémoriel. Et c'est de cette façon que la mémoire se grave dans l'homme, et qu'elle peut être effacée dans l'homme. Comment faire un ménage de nos mémoires dans un sens ou dans l'autre? Ce ménage n'est-il pas lui-même des mémoires qui brassent d'autres mémoires? Évidemment. L'homme est donc toujours manipulé? Évidemment. J'ai 34 ans d'impression. Comment éviter l'influence de mémoire à chaque impression? On expliquait, je crois la semaine dernière, que l'impressionnabilité, la manipulation de l'individu était faisable à la condition qu'il y ait deux choses. Un individu apte à être manipulé et une forme manipulatrice. Alors, je ne dois pas détruire mes mémoires. Je ne dois pas balayer mon expérience. Je dois m'arranger pour qu'elle ne me manipule plus. C'est différent et c'est beaucoup plus simple. Sur les 34 ans d'impression, vous voulez effacer vos mémoires, tout seul, vous pouvez perdre 20 ans à les effacer. Mais si vous apprenez à ne plus être manipulé par vos mémoires, cela peut vous prendre 2 ou 3 ans, ou 15 secondes, ou demain 20 ans. Mais le cheminement est plus facile et il est en accord avec le processus d'évolution de l'homme. L'expérience est la base sur laquelle va se tenir le mental pour pouvoir aller chercher l'énergie supramentale. Et détruire la base, bien évidemment, c'est déjà le mental au sol, l'énergie supramentale n'ira pas le voir. Bon, alors, comment faire pour arriver à ne plus être se laisser assujetti par nos mémoires? C'est la 45e conférence ce soir, et c'est de ce sujet que l'on traite depuis 45 semaines. Il va de soi que ce n'est pas chose facile. Pourquoi? Parce que l'homme veut se débarrasser de ses mémoires, parce que l'homme a en mémoire que ses mémoires l'illuminent, et il a en mémoire qu'il devrait peut-être se débarrasser de ses mémoires. Donc, si l'homme se débarrasse de ses mémoires, il oublie qu'il doit s'en débarrasser. Donc, il aurait se met à réaccumuler des mémoires, ou un jour, il va réapprendre qu'il doit se débarrasser de ses mémoires, il va le mémoriser, et sachant en mémoire qu'il doit se débarrasser de ses mémoires, il peut essayer de s'en débarrasser. S'en débarrassant, il va oublier qu'il doit s'en débarrasser. Lui, plus il oublie, plus il va oublier, plus il doit s'en débarrasser, et il recommence le processus. Alors, ici, il va voir, évidemment, mais constater que c'est un cheminement qui est compliqué. Par contre, être capable d'observer quand une mémoire fait surface et quand la mémoire essaie de s'interposer entre la réalité et la conscience. Ça, c'est un cheminement plus intelligent, plus facile, compliqué, mais plus facile, et qui amène à des résultats qui sont certains. Je vois quelque chose, j'interprète ce que je vois, et tu sais. Ma mémoire vient de s'interposer comme masque entre ce que je vois, entre ce que je lis, et ce que j'ai comme expérience. Se débarrasser des mémoires, non. Par contre, l'un des mécanismes qui peut permettre à l'homme, à la base, transformer son schéma mémoriel, d'arriver à être plus efficace, d'arriver à observer ses mémoires pour ne plus être manipulé, c'est évidemment de passer par l'intérêt. Nous avons déjà plein de choses qui, mémoriellement, ont été gravées de par notre éducation, qui vous bloquent, qui vous empêchent de vous exprimer, c'est-à-dire qui vous empêchent d'être efficace dans certaines situations. Quand je parle d'efficacité, c'est pas de demander de faire de l'argent ou de gagner ou etc. Vous voulez dire à quelqu'un que vous le donnez, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas efficace. Vous voulez prendre du soleil, vous voulez vous mettre à poil, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas efficace. L'efficacité dans l'expression. C'est là l'efficacité. Alors donc, il y a plusieurs choses fixées dans vos mémoires qui, évidemment, nuisent à votre efficacité d'expression, qui nuisent à votre créativité, qui nuisent à l'agencement harmonieux de ces maudites mémoires. Vous avez en mémoire le concept de liberté et vous avez en mémoire une certaine chose que vous ne devez pas faire. Pourquoi ne devez-vous pas les faire? Parce que moralement, ça ne se fait pas. Alors, entre la liberté et la barrière mémorielle, le concept, la morale, évidemment, il y a une non-efficacité. Et vous ne devez pas détruire la mémoire elle se transforme. Mais la première chose à faire, évidemment, c'est de voir partout dans notre vie où sont nos contraintes, toutes les fois qu'on vient pour poser un geste et qu'on ne le pose pas ou qu'on hésite, un geste, une parole, un mot, une expression, quelque chose dans le genre, où on hésite, alors là, il y a une mémoire qui vient s'interposer entre une efficacité d'expression et vous-même. C'est la base, c'est le début. Ce n'est pas du spiritualisme, d'avenir, ou dans 150 ans d'ici, je vous promets que, ou vous allez vous promettre que, ce n'est pas une carotte auquel vous allez essayer d'attraper. On appelle le sport. L'évolution, elle se fait dans la réalité, c'est l'efficacité qui dénote le résultat de l'évolution. Alors, la mémoire, elle est imprimée. Êtes-vous capable de déjeuner en mangeant de la crème glacée? Ça ne se fait pas. Bon. Êtes-vous capable de sortir de votre douche et de vous en aller dans votre chambre devant vos enfants ou votre femme? C'est sûr que si votre enfant a 13 ans et qu'il n'a jamais été habitué, vous pouvez le traumatiser parce que c'est pire que vous. Mais si votre enfant a 6 mois, moi, j'ai connu un individu justement qui avait une fille et qui avait de la misère à son été couche. Parce qu'il n'avait jamais vu de proche comme ça s'est fille. Alors, il avait 2 mois. Alors, il n'y avait aucun danger pour la fille. Mais toutes les fois qu'il changeait sa course, il s'arrangeait pour imprimer la morale. Il me regardait tout très fort. À l'époque, on faisait de l'ambulance, on avait un voisin en bas qui était évertué à appeler l'ambulance à tout bout de champ, et il se vantait d'avoir un enfant, un noir, sa femme est blanche, plus blanc, il disait que c'était son enfant, et il n'était pas habitué, jamais il ne lui avait lavé chez nous. Ni sa femme. Jamais, on n'avait jamais touché à ça, il s'en vantait. Il avait 2 ans, les 2 ans qui étaient bons parce que c'était ça qu'il avait. Et jamais, jamais, jamais, jamais, il est allé nous autres, jamais on va le violer, on va le violenter, jamais on le dit. Ben, à un moment donné, Il tapait dans mes mains, il sentait mon dieu. Il avait des coins. Bon, est-ce que c'est la morale? Et ça, c'est vrai. C'est vérifié que c'est vécu. Et dans, de fond, si vous fouillez vous-même dans votre vécu, vous allez trouver des exemples qui ne paraissent pas aussi ridicules. Rien ne paraissent pas. Vous les observez. Ça dépend du point de vue où on se passe. Mais la première chose à faire pour arrêter d'être manipulé, c'est que lorsqu'on a quelque chose justement qui nous empêche ou qui nous retient, c'est de placer ça, non pas de ne pas le regarder du point de vue psychologique, du point de vue culpabilisateur, mais du point de vue intellectuel, intelligent. Et là, vous allez finir par ne plus être manipulé par ce retour mémoriel, ce vomissage incessant de cochonnerie dans votre conscience. Intelligemment, je devrais l'agir. Moralement, donc intelligemment, vas-y intelligemment, c'est évident que tu l'as. Vas-y intelligemment, c'est évident que bien des choses que vous allez faire. Mais votre psychologie peut en souffrir. Pourquoi? Parce que la mémoire refuse de se transformer. Parce qu'il y avait une souffrance psychologique énorme. Vous n'avez jamais été capable de remercier votre patron ou de remercier un employé parce que vous êtes connu comme étant une personne qui est hautement dignitaire. Et à un moment donné, ben, vous avez le goût, mais vous n'êtes pas capable. Parce que dans vos mémoires, on s'est imprimé le fait que vous ne le faites pas. Et la mémoire, si vous le faites, devra se transformer. Elle devra accepter le fait que vous le faites aussi. Et cette transformation mémorielle amène la souffrance psychologique. Je vais aller féliciter mon employé, mais en même temps, je ne suis pas capable. La mémoire, elle ne veut pas être transformée. Et c'est le frein, elle nous manipule. Mais intelligemment, je vais-tu quoi? Est-ce que ça va être meilleur pour la compagnie? Meilleur pour nos relations? Est-ce que ça va être n'importe quoi? Il y a une raison intelligente, vous devrez le faire. Et votre psychologie va souffrir le temps que vous allez le faire, et après, elle va s'en mettre à vue. Elle va être contente, mais contente. Et cela ne veut pas dire que le problème est réglé. Parce que vous pouvez avoir des souffrances psychologiques face aux 20 premiers employés. Après, ça devient normal. Parce que votre mémoire est impliquée conformément. Alors, c'est simple. Dans votre vécu, toutes les fois que vous avez un frein psychologique, vous devez remettre ça au niveau mental. Mais l'intellect devra trancher, non pas la psychologie. Ce n'est pas question si c'est bien ou mal. Est-ce que c'est bon ou mauvais? En ce sens que, est-ce que ça peut apporter, construire ou ça va détruire? Pas votre psychologie. Elle peut être détruite, c'est pas rien grave. Elle va s'améliorer. Mais est-ce que ça va détruire dans l'extérieur, dans la matière, ou ça va construire? Si c'est constructif, constructif et créateur, alors automatiquement, vous devriez l'exprimer. C'est pas grave la mémoire. Le mémoire qui vous contraint, le carcan mémoriel, le carcan social, le carcan d'expression, c'est vos mémoires, votre éducation. Et même si vous modifiez votre éducation, vous ne faites que l'infliger de plus en plus et vous n'allez pas vous en libérer. Alors, on observe tous les petits trains mécaniques, réflexes, psychologiques que l'on a, on doit les réveiller au niveau du plan intellectuel, mental, et lui devra trancher. Et après ça, faites-le. Ah, c'est un autre paire de manches. Mais on est déjà sur le chemin lorsqu'on sait qu'on devrait le faire et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas le faire. On est au moins sur le bon chemin parce qu'on comprend réellement la manipulation de la mémoire, de l'impression, et on sait ce qu'on devrait faire. Après ça, il vous reste à travailler pour le faire. Travailler pour le faire, mais sans jamais vous maudire de ne pas être capable de le faire, sans jamais vous culpabiliser de ne pas arriver à le faire. C'est important. Parce que vous culpabilisez, c'est créer une autre mémoire qui est destructrice pour vous. Ça prend fou. Ça prend 15 ans, ça prend 20 ans, mais vous êtes sur le bon chemin. Ça prend 2 semaines, parfait. On n'a pas de culpabilisation à voir parce que je sais que c'est vrai, mais je ne suis pas capable. Donc, maudit. Maudissez-vous si vous faites ça. Et pour aucune autre raison. Vous avez expliqué ce que l'intolérance qui aurait vécu premièrement avec des maturités, puis deuxièmement avec le mental. Ça rentre en théorie. Bon, mais l'intolérance psychologique et de l'intolérance. Donc, si je vais répondre comme sur quoi la question, parce qu'on peut la percevoir de plusieurs manières, puis on n'aura pas le temps. L'intolérance psychologique, c'est simplement parce que dans ma mémoire, j'ai gravé suffisamment profondément, je me suis caractérisé suffisamment avec une forme de mémoire, pour en faire un concept. Et lorsqu'on amène quelque chose qui ne va pas avec, qui n'est pas en résonance avec, la psychologie ne peut le tolérer, de peur que la mémoire se transforme. Et lorsqu'une mémoire psychologique se transforme, il y a souffrance psychologique. Donc, de peur de souffrir, je refuse. Je suis intolérant. L'intolérance mentale, c'est l'intolérance qui n'est pas capable d'accepter la diplomatie entre la réalité et l'illusion. Ça, c'est de l'intolérance intellectuelle, l'intolérance mentale. Donc, intellectuelle, fais attention, parce que l'intolérance intellectuelle peut être associée à la psychologie. L'intolérance mentale, intelligente, elle ne peut accepter la diplomatie entre la vérité et le mensonge, disons, ou la réalité et l'illusion. Je prends un peu de drogue ou je fume un peu, mais j'espère que je n'exagère pas, il n'y a pas de danger. L'intellect va dire non, connard. Tu fumes, c'est pas bon. Il n'est pas question de dosage, ce n'est pas bon. La psychologie va dire, oui, mais pas plus que 2 paquets par semaine, il n'y a aucun danger. Et l'autre psychologie va dire, pas plus que 2 paquets par jour, il n'y a pas de danger. Et l'autre psychologie, pas plus que 2 paquets à l'heure, il n'y a pas de danger. Le mental, lui, n'est pas psychologique, il n'est pas expérientiel. On a des études qui prouvent que le mental, l'être humain, l'ego, accapare ça, c'est-à-dire qu'il va finir, va l'imprimer dans sa mémoire, et la psychologie s'en sert pour dire qu'on exagère ça, et l'intellect, le mental s'en sert pour dire que c'est mauvais. Il y a intolérance mentale seulement face à l'illusion, au mensonge. Et il y a tolérance mentale seulement face à la réalité. Il y a intolérance psychologique lorsqu'un concept bien gravé, une foi, une idée, un concept, n'est pas en accord avec une perception extérieure, une réalité ou quoi que ce soit. Il y a intolérance. Et il y a tolérance psychologique lorsque j'amène de quoi qui va avec les concepts. C'est normal que l'enfant crie. C'est que l'enfant qui a joué des langues sur vous, ne dérange pas. C'est normal. Il fait sa voix avec le concept. Et puis, c'est normal que l'être humain ait droit à la tranquillité de temps en temps. Il y a un enfant qui broie la journée longue, il n'y a rien à faire, tu le bats. Bon, tu es intolérant. Si tu es mental, bah, c'est l'énergie mentale qui va trancher et il n'y a pas de psychologie qui va pouvoir s'exprimer. On parle évidemment de mental qui est personnalisé. Un mental non coloré par la psychologie. Ce qui n'est pas le cas dans la majorité des cas. Ok, on va choisir une qui est complètement peut-être un peu différente, mais il faut peut-être résumer. Comment vous arrivez à ne plus être impressionnable, sinon c'est pratique à impressionner? Impressionnant? Le fait d'impressionner les autres peut amener l'individu, peut amener l'homme, à comprendre réellement les mécanismes de l'impression et la loi de l'impression. Mais il ne pourra pas le comprendre d'une façon parfaite, pure, globale, totale. Il ne pourra le comprendre que du point de vue où il est placé, celui qui impressionne. Et jamais il ne pourra se rendre compte que chaque fois qu'il impressionne dans l'extérieur, qu'il menace quelqu'un, qu'il promet des choses à quelqu'un, donc lorsqu'il impressionne l'extérieur, il ne pourra se rendre compte que chaque fois qu'il impressionne l'extérieur, il impressionne lui-même. Quelle promesse avez-vous fait à quelqu'un? Si vous cherchez, vous êtes capable de vous en rappeler. Donc, elle vous a aussi impressionné. Quelle menace avez-vous fait à quelqu'un? À un moment donné, vous avez aussi peur qu'on vous menace de la même manière. Si vous faites des menaces et que quelqu'un vous fait les mêmes menaces, vous allez être assujetti en maudit. Plus vous allez impressionner, plus vous allez vous impressionner. Couchez-vous le soir et contez-vous d'une histoire de peur. Et contez-la à quelqu'un d'autre. Si vous êtes impressionnable, vous non plus, vous ne pourrez pas dormir. Parce que vous avez impressionné et vous parlez, tout ça est vibratoire et cela s'imprègne aussi dans votre mémoire. Ce qui fait que se pratiquer à impressionner, c'est être de plus en plus impressionnable. Observez. Observez l'impression. Et l'impression que l'on fait, l'impression que l'on reçoit, c'est d'arriver, d'avoir la possibilité d'arriver à comprendre l'essence de l'impression, sa vie, sa mort. tu me parles et je viens pour réagir, mais je me rends compte que je réagis seulement à ce que tu viens de dire. Les palettes de chocolat à euros sont remplies de cyanure de potassium. Vous écoutez ça aux nouvelles le soir. Ça va être impressionné. Bien que vous avez mangé le venin, vous êtes brusquement impressionné. Vous pouvez arriver jusqu'à être malade. Parce que vous n'êtes pas tarlat. Ça peut venir si l'on a été malade. Hein? Ça pourrait être tarlat pour être malade. Assez. Et par après, on dit que non, c'est pas empoisonné. Mais si vous avez été malade, vous risquez de dire que la vôtre ne va pas être bonne avec. Parce que l'ego tient à défendre. Ça va perdre la face. C'est normal. C'est mais normal. Si c'est vous qui comptez des histoires, à un moment donné, vous allez finir par vous avoir un nombre de chocs en retour. C'est-à-dire que chaque fois que vous parlez, vous apprenez. C'est-à-dire que quand vous parlez, vous gravez. Vous gravez ce que vous avez dit. Un professeur donne un cours et il peut dire après son cours quelle était la matière qu'il enseignait. Et on m'a posé cette question, j'ai répondu à telle chose. Je me rends compte que le gars qui veut de l'argent, si tu veux te parler, ah oui, j'ai dit qu'il cassait les deux jambes, j'ai dit que je tirais, je lançais mes trois chats sur lui. Bon, ben, je te rappelle, tu veux impressionner. Et si à un moment donné, je te fais les mêmes menaces parce que tu veux de l'argent, tu vas être aussi impressionné que celui qui t'a impressionné. C'est normal. Mais observez, on parle de la palette de chocolat qui est empoisonnée, et observez ce qui se passe. Regardez comment c'est que vous agissez parce qu'on vient de dire ça. L'intelligence détermine vos gestes. Vous rentrez dans un supermarché, la boîte de savon, une tonne pour 15 boîtes. En vous partant en courant, si tout le monde part en courant, c'est un gros gros carambolage de carottes. Mais observez-vous, parce qu'on a mis un éducateur. Vous mettez à courir. C'est pas vous qui manipulez quoi que ce soit, c'est pas vous qui contrôlez. C'est pas les maîtres à bord. L'extérieur est le maître à bord parce que l'extérieur impressionne votre psychologie. Votre psychologie attire, c'est-à-dire qu'elle fouille dans ses mémoires toutes les impressions similaires, elle vous donne ses voix. Normalement, c'est telle à voir, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, c'est fait que pendant que tout ça se fait, c'est vous devez courir. Mais on est manipulé par l'impression. Et si on arrête, bon, ben là, c'est déjà de courir. Mais là, moi, vous auriez raison de courir, mais si vous le savez, hein, c'est important. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous allez être impressionné. Et si vous observez pourquoi j'agis comme ça, vous rentrez quelque part pour la première fois, la lumière diminue, elle meurt, elle diminue. Alors là, vous cherchez une explication fondamentale, vous êtes quoi? Ben, il a fallu simplement une presque panne de courant pour lancer les nouvelles philosophies. Vous savez que les religions sont parties sur la planète simplement à cause d'erreurs, d'accidents. Vous allez vous en parler à un moment donné, je crois, où on avait une personne, un immense peuple qui avait besoin d'un messie, d'un sauveur. C'est l'histoire des plus. Je vous ne cherche pas le contexte parce que c'est pas important que vous trouviez où ça se passe. Pas trop dans la, mais c'est pas le Nazaréen. Alors, à un moment donné, on a un individu qui arrive là et qui parle un peu en dessous d'un savant et qui compte comment on devrait transformer telle chose, si le territoire où ce peuple-là vivait, comment on pouvait tout changer, même pour réussir à balayer les ennemis à l'extérieur, comment on pouvait, etc. Mais le peuple qui est là, ne croyait jamais les étrangers. C'était absolument abominable. Ils n'étaient pas du même sang. D'ailleurs, le sang a servi à massacrer énormément, hein. Le contrôle du même sang, sang royal ou sang français, ou sang anglais, ou sang, etc. Sans bon sang. Alors là, le sang était très important. Et en fin de compte, le gros comité de directeur de la peuplade, c'est pas une tribu, c'est réellement un peuple, a décidé de tuer quand même l'étranger, même si l'étranger avait trouvé trois derrière des empreintes des ennemis. On a quand même décidé de le tuer en fond. Il est peut-être bon, mais si il est mauvais, il va essayer de détruire le peuple, alors on va éliminer. Et ça, c'est une question presque mentale. Ça prendra pas de sens. Présentement, ça va bien, avec tout ce que les nuls, ça va pas aller plus mal. Présentement, ça va bien, ça va les nuls, on va bien, ça va bien. Alors, la personne qui devait aller le tuer, il était en train de donner du coup en temps pour la place publique, et s'est approché avec un couteau elle ne sait pas. Mais elle se sent parler et elle est tombée sur son côté. Et le peuple a vu là un signe des dieux et cette personne est devenue presque un messie. Et on l'a suivi, on a tout fait. Une population entière a été impressionnée par un accident bête et des balades. Et on a parti une nouvelle religion, non pas le nom. On a parti des concepts, on a parti des concepts, on a fermé toute une idéologie, on a pu dire les gens seuls, et effectivement, ça a fonctionné. Mais ce n'était pas Dieu. Dieu lui aurait fait signe autrement, il aurait pas envoyé un dernier faire plus pour moi. Mais effectivement, c'est en train de tomber sur son côté. Toute la population a été impressionnée à travers le filtre des traditions, le filtre des annonces prophétiques, et ils en ont parlé au reste de la population, de déformation, déformation. Et puis là, c'est fait que tout aucun gouvernement en place qui aurait pu interdire ou qui aurait pu déconstruire l'étranger. Le fait était de faire une révolution. Tout a changé simplement à cause du cas. Parce que la population était impressionnée. Et si on remarque, tous les gourous, tous les maîtres, tous les vicieux, essaient d'impressionner leur vicieux. Les religions parlent de miracles. On parle de paradis, on parle, on impressionne, elle promet. Et l'impression, elle doit toujours, si on veut se débarrasser de la manipulation des impressions, qu'elle soit spirituelle, divine, matérielle, psychologique, mais pas au tel niveau, même après 34 ans, on doit observer quel genre de réaction on est en train de faire lorsqu'une impression vient à notre conscience. C'est simple? Le problème est de se rappeler que l'on doit observer lorsqu'on est manipulé. Là, c'est compliqué. Une fois que vous avez acheté pour 300 milliards de boîtes de savon, alors vous vous dites, hey, c'est manipulé. Ça, c'est tard. Une fois que vous avez peur, vous partez en courant et vous rendez compte qu'en fin de compte, c'est une part, elle a été manipulée. J'en ai souvent vexé d'avoir été manipulé. C'est normal. Mais c'est là qu'on l'observe pour le moment même. Alors, vous faites peur, vous observez. Et vous n'aurez pas peur. Parce que vous allez être capable de voir réellement la réalité sans filtre psychologique, sans filtre de l'impression, sans filtre mémoriel. En ce sens, c'est facile. On n'a pas à effacer quoi que ce soit et on n'a pas à décider, à graver au fond de nous qu'on est manipulé et qu'on le fera toujours. C'est vrai. Mais il faut l'effectuer de croire. Il faut l'expérimenter. Et vous serez toujours manipulé. C'est-à-dire, l'homme mémoriel sera toujours manipulé. L'être humain qui évolue, un jour, ne sera plus manipulé. Et il ne sera plus manipulable. Mais si c'est dans vos mémoires que vous savez que l'homme ne sera plus manipulé, c'est dans vos mémoires que c'est. Parce que c'est encore mémoriel. Je n'ai pas le bon homme, l'homme psychologique, encore une fois. Qui essaie de voir le jour où il ne sera plus manipulé. L'homme mental ne sera plus. C'est vous aussi l'homme mental. Et présentement, c'est plus vous l'homme psychologique, l'homme mémoriel. Alors, on n'a pas à s'en faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire. C'est-à-dire qu'on doit s'observer lorsque des événements sont au courant, tellement normal de notre vie, tendent à nous manipuler, à restreindre notre efficacité, à restreindre notre expressivité. Vous voulez embrasser quelqu'un? Si intelligemment cela se fait, faites-le. Et après ça, observez-vous. C'est bon moyen d'expérience. Vous voulez dire à la servante, la waitress, dans le restaurant, que son steak n'est pas bon, mais que vous ne pouvez pas, que vous vous contentez de le manger ou de le laisser là pour payer si vous en allez, ça me dit qu'on va te manipuler. Vous pouvez être poli et lui dire, puis en manger un autre, il n'y a rien là. On est manipulé sans cesse, continuellement, parce qu'on a des concepts mémoriels qui nous empêchent de pouvoir nous exprimer. Vous allez au garage, c'est au garage, et puis vous lui dites d'arrêter au premier éclipse de la forme, sinon ça coule. Et puis, rendu au éclipse, ben, il est là, il continue, parce qu'il veut ajuster ses thèmes. Il vous attend avec votre carte de crédit, puis vous balancez pas également des thèmes. Puis là, vous ne changez pas, vous m'en donnez tout. Mais il arrête. Et le faire ça, puis le mettre bouchon, puis le mettre tout ça là, puis vous donner du tout en plus. À un moment donné, on devrait être capable de. J'ai deux premiers, puis que vous en mettez un plus. C'est logique, intelligent. Pourquoi gaspiller l'énergie pour lui mettre tout ça pour. C'est un concept. Observez-vous, vous allez voir que les mémoires qui bloquent, les mémoires qui viennent vivre, sont quand même raisonnablement, facilement, disons,